Bonjour. T'as baissé le volume, Benoît. Oui, merci. Si vous avez déjà regardé le sujet de la résurrection dans la parole de Dieu, vous vous êtes aperçu que c'est un sujet bien, bien vaste, qui peut être abordé sous toutes sortes d'angles. En fait, j'ai eu bien des combats à savoir comment l'aborder. Ça s'est finalisé un peu plus hier, je dirais, là. Mais bien que j'avais fait toutes sortes de recherches, c'était pas clair la façon d'aborder le sujet. Et c'est là qu'on doit compter sur Dieu. On doit compter sur lui pour savoir comment aborder des sujets aussi importants. En fait, c'est fondamental, là. C'est fondamental qu'il y ait la résurrection des morts. Sans ça, il n'y a aucune espérance pour personne sur la terre. C'est comme dire que le néant. On n'aboutit nulle part. On a beau avoir vécu de la meilleure façon possible sur la terre, avec toutes nos connaissances, nos compétences, avec tout notre cœur. Mais arriver en bout de ligne et puis qu'il n'y a pas d'issue, pas d'une fatalité, là, rien. C'est un désastre. C'est comme faire un beau gâteau de fête, le mettre sur la table et personne n'en mange. C'est dramatique. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous apporter quelque chose qui, je pense, va être, en tout cas, ça m'a été utile. Je pense que ça va vous être utile. Puis on va le découvrir ensemble. En fait, à moins que Jésus revienne, on va tous faire partie des statistiques de ceux qui sont morts. Fait que Valérie et moi, puis Élise, on est allés à une formation sur le deuil. Et il disait que dans à peu près à chaque année, 100 000 personnes meurent au Québec. On n'aurait de rien, là. Mais tous les jours, il y a quelqu'un qui va décéder. Et tous les jours, il y a quelqu'un qui fait face à Dieu. Tous les jours. Et la question qu'on doit se poser, c'est que qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ça, c'est le sujet dans lequel je vais aller, la direction que je vais prendre. Parce que probablement, vous savez tous que la résurrection existe. Et vous pourriez m'en donner des preuves. En fait, si je vous demandais une preuve de la résurrection, qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce qui prouve que la résurrection des morts existe? Jésus était ramené de la mort à la vie. Comment vous savez que Jésus est vivant? Oui. Mais comment on sait qu'il est vivant? Parce qu'il y a plusieurs qui l'ont vu. Hein? Parce qu'il change nos vies, exact. Amen. Ils ont trouvé un tombeau vide. OK? 500 personnes l'ont vu en même temps. Un amphithéâtre bien plein, là. Et des gens qui l'ont, il est apparu à du monde pendant 40 jours. Pas juste une fois, là, au hasard, comme ça, là. 40 jours. Fait qu'il était vraiment une preuve évidente que la résurrection des morts existe. Donc, dans le Nouveau Testament, quelques-uns même prêchaient que la résurrection des morts elle n'existait pas. Certains n'y croyaient même pas. Les Sadducéens, entre autres, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais voilà pourquoi nous, les croyants en Jésus-Christ, de même que toute l'humanité, nous avons besoin de comprendre l'importance de la résurrection des morts. Donc, pourquoi est-ce que la résurrection des morts, elle est si fondamentale au niveau de la foi de l'humanité? Pas juste des croyants, là, au niveau de tout le monde. En fait, quel que soit l'impact, et en même temps, quels sont les impacts que ça va produire, qu'est-ce qui va arriver dans nos vies après la résurrection? On va regarder ensemble un texte qui est dans 1 Corinthiens. Qui est dans 1 Corinthiens à partir du verset 12 et on va aller jusqu'à 24. Chapitre 15. 15, oui. De 12 à 24. Vous allez lire, ça va vous apparaître un peu bizarre, mais il y a trois vérités fondamentales qu'on va en tirer. Donc, je lis dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12 jusqu'à 24. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc, ça se disait à l'époque, mais beaucoup aujourd'hui le disent. En fait, il n'y a rien après la mort. Si vous posez la question à certaines personnes, ils vont vous dire qu'il n'y a rien, puis qu'en plus, il n'y a personne qui est venu nous le dire, ce qui est faux. S'il n'y a point de résurrection des morts, donc Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est vaine. Donc on croit en quelque chose qui n'existerait pas. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas. C'est tout à fait logique. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, il vient de faire la relation entre la résurrection qui devrait accorder le pardon à Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Il vient de faire la relation entre les deux. Donc, le péché de toute l'humanité, du nôtre, de peu importe la gravité, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas de pardon encore. Donc, on est encore pris avec notre péché. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, aucun espoir, aucune vie, aucune vision pour le futur. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Êtes-vous d'accord? Donc, plus ça va, plus c'est. Hein? On passe des lois terribles, puis en même temps, on est en train, on va dire, de mourir par la pollution, pour certains. Mais si c'est juste dans ce monde-ci qu'on vit, bien, c'est terrible. Mais, et voilà le point. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous morts en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, on est en train de dire que la résurrection, c'est vivre, c'est de revivre, c'est quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie. Et ça se passe en Jésus-Christ. Mais chacun en son rang. Oh, donc il y a comme une chronologie. Christ comme prémisse. Vous vous rappelez le mot prémisse, ce qu'il veut dire? Premier. Mais quand on parle de prémisse, principalement, on le revoit à l'égard de quoi? À l'égard de? Les récoltes, oui, la moisson, exact. L'agriculture, c'est vrai. Donc, les prémices, c'est les premiers fruits, et ça, c'est un gage. Donc, si la récolte des premiers fruits, elle est excellente, c'est un gage que la moisson va être extraordinaire. OK? Donc, Jésus-Christ, c'est celui qui est le premier qui va revenir à la vie. J'étais dans quel verset déjà? 23, merci. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Oups, là, on est en train d'ajouter un élément assez fondamental. Donc, puisqu'il est vivant, ressuscité des morts, il va revenir. Mais ceux qui ont cru en lui, ceux qui lui appartiennent, ils vont aussi être avec lui. Ils vont ressusciter avec lui au moment de son avènement. Il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Père et Dieu, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et on arrête là. Donc, là où je vais développer plus, c'est le verset 20 à 24. C'est la section que je vais développer le plus. Donc, ce texte-là, ce qu'il nous donne, c'est qu'il nous donne trois vérités fondamentales concernant la résurrection. Et ces vérités interpellent toute personne. Que je sois croyant ou non-croyant, que j'ai lu la Bible ou que je ne l'ai pas lu, ces vérités-là, elles ont besoin d'être entendues et elles ont besoin d'être comprises parce qu'il y a une conséquence à ce que Dieu dit. Donc, ces vérités, ils interpellent toute personne à considérer vraiment l'importance de la résurrection. Et la première vérité se trouve au verset 20. La première vérité qui interpelle tous les hommes à comprendre l'importance de la résurrection, c'est que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Non seulement c'est un fait, c'est une vérité fondamentale à la foi des êtres humains. Parce que si Christ n'est pas ressuscité des morts, il n'y a pas de résurrection pour personne. C'est fondamental. La résurrection des morts existe réellement. Jésus en est la preuve. Et d'ailleurs, quand il dit qu'il est les prémices, il est non seulement les prémices, il est le seul à avoir été ramené de la mort à la vie pour toujours, à l'heure actuelle. Personne d'autre l'a été. Pourquoi? Parce qu'il dit que le deuxième groupe qui va être ressuscité, c'est lors de son avènement, et ce n'est pas arrivé. Comprenez? Philippiens 2, versets 6 à 11, et je vous le lis. Jésus, existant en forme de Dieu, on l'a chanté un peu tantôt, n'a pas regardé son égal comme, avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et voici pourquoi il est ressuscité. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le résultat d'une vie parfaite, c'est la gloire avec Dieu. Le résultat d'une vie parfaite, qui est celle de Jésus-Christ, c'est qu'il fait que lui peut accorder la perfection à ceux qui croient en lui. Jésus peut faire ça, il a l'autorité de le faire. Durant toute sa vie, Jésus n'a jamais péché. Pas un être humain peut déclarer ça. Moi, j'ai péché, je sais où, je sais quand, et je pêche, ça m'arrive de pécher encore, et je sais où et je sais comment. Parce que la parole de Dieu m'indique quand je pêche. Et je ne fais que croire, et j'ai à demander pardon. Mais la vie parfaite de Jésus, elle est déclarée dans un passage de Hébreux 7, 26. Il dit, il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. C'est à cause de sa perfection que la résurrection des morts est arrivée. Non seulement qu'il est parfait, c'est parce que Dieu avait déclaré qu'il ne resterait pas dans le tombeau. C'était impossible que quelqu'un qui vit une vie parfaite avec Dieu demeure dans le tombeau et qu'il voit la corruption. C'était impossible. Mais Dieu l'avait déjà annoncé d'avance en ce qui concerne Jésus, son Fils. Mais quel est le résultat en même temps d'une vie parfaite? Acte 13, 37. Il dit, « Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » Bien plus, il l'a élevé à sa droite dans les cieux, et il règne où il règne éternellement. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement celui qui croit en lui. Et ça, c'est notre espérance à nous. Non seulement on sait que Jésus nous aime, non seulement on sait que son sang nous purifie, nous lave de tout péché, mais on sait qu'en lui, on est rendu parfait. Et ça, c'est écrit dans Hébreux. Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, nous lave de tout péché. Puisque Jésus, en même temps, est ressuscité des morts, ça veut dire qu'après la mort, il y a quelque chose d'autre. C'est implicite. Et s'il y a quelque chose d'autre après la mort, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'autre après la mort uniquement pour lui, uniquement pour les croyants, ou s'il y a quelque chose après la mort pour toute l'humanité? C'est ça qu'on va regarder. En fait, la résurrection de Jésus-Christ, elle est absolument essentielle à notre foi pour comprendre l'importance de ce qu'est la résurrection. Pourquoi il y a la résurrection? Jean 11, versets 25 à 27. Jésus dit, « Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Qu'il a dit à la femme. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Est-ce que chacun de nous, on croit ça? Est-ce qu'on croit que Jésus est la résurrection et la vie? Et que celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Est-ce qu'on y croit? On doit y rester fondamentalement et fortement attaché. Parce que ça aussi, c'est fondamental pour notre foi, pour notre persévérance, je dirais, dans la foi. Il y a une deuxième vérité qui est mentionnée dans le texte. Et c'est au verset, je vais vous le dire. Car puisque la mort est venue par un homme, comment la mort est entrée dans le monde? Par Adam. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Désobéi. Désobéi à qui? Qui est le? Créateur. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Okay. Qui est cet homme? Qui est-il par rapport à Dieu? Le Fils de Dieu. Donc, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver l'humanité. Il l'a envoyé pour nous, chacun de nous, et non seulement nous qui sommes dans cette salle, toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Il est venu pour chacun d'eux, chacune d'elles plutôt. Jésus est le premier et le seul qui soit actuellement ressuscité des morts pour toujours. Il y a eu des résurrections dans le temps, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais qu'il soit ressuscité pour toujours, Jésus est le seul. Il est celui duquel Dieu affirme qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, non seulement Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le seul homme qui peut sauver parfaitement, mais c'est lui que Dieu a désigné. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de salut en aucune autre personne, autant, peu importe les miracles qu'il va faire dans sa vie. Il n'y en a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Ce texte déclare aussi que tous les hommes ont besoin d'être sauvés. Donc, si j'ai besoin d'être sauvé, c'est parce que je suis coupable. C'est parce que j'ai désobéi à Dieu. C'est parce que j'ai offensé Dieu. Donc, ça veut dire que dois-je m'attendre que si ce n'est pas réparé avec Dieu, Si ma vie n'est pas réconciliée avec Dieu, je dois m'attendre à une conséquence. Il va y avoir une conséquence. Et cette conséquence-là, c'est soit que je crois ou soit que je ne crois pas. Et dans les deux cas, il y a une conséquence qu'on va voir un peu plus loin. La résurrection des morts indique aussi qu'il y a un Dieu auquel on va rendre des comptes, qu'on va rencontrer et qu'on va devoir rendre des comptes. Rendre des comptes, ça signifie qu'il y a un jugement, qu'il va y avoir un jugement après la mort, donc après la résurrection. Mais puisque Jésus est ressuscité des morts, et qu'il est à la droite de Dieu, c'est lui qui va exercer le jugement. Et ça, on le sait parce que Dieu le dit. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Ça veut dire qu'après la résurrection, lorsque chacun comparaît devant Dieu, c'est devant Jésus-Christ qu'il va devoir se présenter. Et c'est lui qui va donner la sentence, parce qu'il est établi par Dieu juge des vivants et des morts. Donc, nous devons nous attendre à quelque part nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, à soit recevoir des récompenses parce qu'on a cru, et ça, c'est le privilège de Dieu, ou soit je dois m'attendre à une punition parce que je refuse de croire. Daniel, chapitre 12, le verset 1 à 3, vraiment intéressant. « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc, il est question du livre de l'agneau immolé. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc, toutes les fois que vous rendez témoignage à la vérité, toutes les fois que vous annoncez Jésus-Christ, dites-vous que c'est comme si la splendeur de Dieu, elle est sur vous. Vous brillez comme une étoile dans le ciel. Et vous êtes en train d'annoncer une vérité profonde de Dieu, que la résurrection des morts, elle existe, et qu'après la résurrection des morts, il y a une issue pour toute l'humanité. Soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. La vie et la mort. 2 Corinthiens 5, 10. Et ça, c'est écrit pour l'Église. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, nous aussi, on va passer devant le tribunal de Christ, et il va y avoir un jugement de la part de Jésus à notre égard. Il est écrit dans la parole qu'il n'y aura pas de condamnation. Parce que la condamnation, c'est la finalité du jugement. Mais il va y avoir un jugement. Regardez bien. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. « Si quelqu'un bâtit sur Jésus avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Donc, ce que nous sommes en train de faire sur la terre, c'est considéré comme étant une œuvre. On est à l'œuvre pour Dieu. Et chacun, on est en train de construire, de par notre service pour Dieu et l'Église, Jésus-Christ et l'Église, on est en train de construire avec des matériaux de valeur ou de moindre valeur. Donc, plus votre service, il est vraiment intentionnel pour Jésus-Christ, avec humilité, avec patience, avec douceur. Plus il est intentionnel pour s'adloir à lui, plus votre œuvre, cette œuvre-là, elle est considérée comme des matériaux de très haute qualité, dont le feu, de toute façon, va éprouver la qualité. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, donc une fois passée par le feu, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais regardez bien, ce n'est pas terminé. Il dit, pour lui, il sera sauvé. Donc, il n'y a pas de condamnation. Mais c'est comme au travers du feu. Mais il a perdu la récompense. À quoi ça correspond? Je ne vous en parle pas aujourd'hui. Suite au prochain numéro, puis ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui va développer le sujet. La résurrection des morts, en fait, c'est qu'elle met en lumière nos vies. Donc, tant ce qu'on va avoir dit, pensé, vécu, toutes les œuvres de nos propres vies vont être mises en lumière. Et chacun va devoir répondre pour lui-même. On avait eu une discussion cette semaine dans notre église de maison, et quelqu'un a dit, « Bien, garde, moi, je vais répondre pour toi devant le Seigneur. » J'ai dit, « Non, je ne répondrai pas pour l'autre personne. Chacun répond pour lui-même. » Donc, tu auras beau avoir des bonnes qualités, des bons mots à dire, c'est inutile. Jésus connaît nos vies. Donc, nous, on sait ce que Dieu s'attend de nous. Il nous demande de le mettre en pratique. En fait, c'est que ce qu'on doit faire maintenant, nous, c'est de nous appliquer tous les jours de nos vies à être attentifs à ce que Dieu nous demande par son esprit. Et de le faire en toute humilité pour sa gloire. Ça, c'est l'objectif qu'on doit faire, qu'on doit viser. Il y a une troisième vérité qui est présente dans ce texte qui nous interpelle à comprendre l'importance de la résurrection. Et c'est que tous revivront en Christ. La résurrection des morts s'applique à tous les humains, indistinctement de qui ils sont. Apocalypse 20, le verset 12 à 15. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, celui qu'on a vu dans Daniel tantôt, mais qui mentionnait juste le livre. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. » C'est ce qu'on vient de voir dans le passage précédent. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et regardez bien la conséquence de celui qui refuse de croire en Jésus-Christ, de se repentir, de demander pardon pour ses péchés. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, il y a une résurrection pour tous les hommes. Tous les êtres humains. La suite de la résurrection, ça va être comme la conclusion de ce qu'on a vécu. Ce qui vient après la mort, la résurrection, c'est que la conclusion que Dieu va en donner pour chacun de nous, c'est le résultat de ce qu'on a fait pendant qu'on était vivant. Après la mort, personne ne peut plus rien faire. C'est arrêté, c'est fini, c'est final. C'est pendant qu'on est vivant que l'on décide. Et les gens qui nous entourent, c'est pendant qu'ils sont vivants qu'ils doivent décider de croire en Jésus-Christ, d'accepter son pardon, de s'humilier devant Dieu, d'être repentant. C'est là que c'est le temps. Pour celui dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est une très bonne nouvelle. En fait, quand vous lisez l'Apocalypse, là, mon résumé, bien simple, c'est que c'est glorieux pour l'Église, catastrophique pour le monde. Mais c'est glorieux pour l'Église. Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, c'est glorieux parce qu'on va être avec lui pour l'éternité. Parce que le croyant a part à la première résurrection, lors de l'avènement de Jésus-Christ, il n'aura pas part à la deuxième mort, qui, elle, est la condamnation. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 22 et 23, « Tous revivront en Christ, chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis celui qui appartient à Christ lors de son avènement. » Donc, nous devons croire que lorsque Jésus revient, tous les croyants de la terre qui sont connus de Dieu vont être enlevés en même temps. En un instant, en un clin d'œil. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Mais pour les autres, la résurrection des morts est une très mauvaise nouvelle. Elle se produira à la fin des temps. C'est la seconde mort qui leur est réservée. Et avec cette résurrection vient le jugement et la condamnation, parce qu'ils auront refusé Jésus-Christ. Ils auront refusé le sacrifice de Jésus-Christ pour les réconcilier avec Dieu. C'est dramatique. La conclusion, c'est la honte éternelle, c'est le temps de feu, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Dieu voudrait épargner à toute l'humanité la condamnation. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et Dieu le déclare, il veut que tous les hommes soient sauvés, donc sauvés de sa colère, sauvés de la condamnation, qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent au salut, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, les trois vérités qu'on a vues, que Christ est ressuscité, que c'est par lui qu'est venue la résurrection des morts et que tous revivront en Christ, interpellent toute personne présente dans cette salle, mais en même temps dans le monde entier, à comprendre l'importance de la résurrection, parce que la mort n'est pas une finalité. La résurrection va suivre et il y a une suite aussi à la résurrection. Et que chacun, pendant qu'il est vivant, a à prendre position pour Christ. En tant que croyant en Jésus-Christ, sauvé par grâce et qu'on est héritier de la vie éternelle. En fait, c'est en espérance qu'on attend la vie éternelle, bien que je sache que je l'ai. Comment allons-nous vivre le restant de notre vie sur cette terre, sachant qu'on va comparaître devant Jésus-Christ? Chacun pour soi-même. Est-ce que j'arrive à avoir honte de certaines choses que Jésus-Christ pourrait reprocher? Le Maître sera-t-il pleinement content de toi? Est-ce qu'il va dire « Viens, puis entre dans la joie de ton Maître » ou bien donc s'il va nous rappeler certains événements, bien que l'on soit pardonné, sauvé. Voici des domaines dans lesquels nous pourrions progresser, chacun de nous, pendant l'année qui vient. Colossiens 3, versets 8 à 10. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le mensonge est tellement facile. Ne pas dire totalement la vérité, c'est un mensonge. Et ça, c'est tellement facile. Moi, il faut que je fasse très attention. Cacher quelque chose, c'est un mensonge. Et on doit veiller les uns sur les autres et se reprendre si le cas se présente. Mais pour celui qui n'a pas encore mis sa confiance en Jésus-Christ, il faut savoir qu'il n'est pas trop tard. C'est toujours le temps de se repentir. C'est toujours le temps de considérer que ma vie, elle n'est pas parfaite comme celle de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu dans cet état-là. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est encore le bon jour de se repentir. C'est encore aujourd'hui le jour de décider de te mettre en règle avec Dieu, de croire en Jésus-Christ. Parce que ce don-là, d'être pardonné de la vie éternelle, c'est un don gratuit pour lequel tu n'as aucune œuvre à faire. Absolument rien. Tu n'as qu'à demander pardon et à recevoir Jésus-Christ. Après ça, tu vas vivre comme un croyant, comme vraiment un enfant de Dieu. Sans son pardon, sans que tu sois réconcilié avec Dieu, sans que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé, ta destinée éternelle, après la résurrection, c'est l'état de feu, qu'on va appeler dans notre langage l'enfer. Donc, nous devons tous décider aujourd'hui comment nous allons vivre l'année qui vient, le jour qui est présent devant nous. Parce que la résurrection des morts nous dit qu'après, on va devoir rendre des comptes. Mais on n'est pas seul. Dieu nous a donné la force pour vaincre le péché. L'Esprit de Christ est en nous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est l'Esprit de vérité qui permet que tu vives l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. C'est possible juste à l'écouter. Donc, dans des situations difficiles, pénibles, vivre la paix et la douceur, c'est possible. C'est que mon moi, ma petite chair, elle va juste prendre son trou. De toute façon, elle est censée être morte à la croix. Des fois, on l'oublie, là, mais on a été crucifié avec Christ. En fait, décide aujourd'hui de vivre pour lui, puis ajustons nos vies, notre conduite, puis nos œuvres en conséquence. Ajustons-nous. En fait, on va aller de progrès en progrès. Seigneur, merci pour ta vie parfaite. Merci d'être mort, Dieu, Jésus. En fait, c'est injustement aux yeux des hommes que tu es mort. Mais aux yeux de Dieu, c'est le sacrifice qui devait absolument avoir lieu. En fait, Jésus sur la croix, c'est l'accomplissement de la justice de Dieu. La condamnation qui nous était réservée, elle est tombée sur lui. Mais Christ est ressuscité des morts pour la vie éternelle. Et tu nous dis que celui qui croit en toi, il a la vie éternelle. Nous vivons déjà maintenant, Seigneur, en espérance d'être avec toi pour toujours. Alors, Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui hésite ou qui refuse encore, Seigneur, de croire en toi, de te céder sa vie, par la puissance de ton esprit, Seigneur, viens le convaincre. Viens le convaincre que sans toi, il est rien, il est perdu. En fait, il est condamné, jugé déjà, coupable. Merci, Seigneur, parce que ton sang est encore efficace aujourd'hui pour continuer à nous sanctifier, nous, dans nos paroles, nos pensées, nos actions, mais surtout de sauver le perdu, celui qui est sans toi. Merci, Seigneur, d'agir avec toute ta puissance, la puissance que tu as déployée en ramenant Jésus de la mort à la vie. Amen.